أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد que chacun voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons aide et pardon, et nous demandons refuge auprès d'Allah contre nos mauvaises âmes et nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne l'égarera. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare, nul ne le guidera. Et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Sachez que la meilleure des paroles et la plus véridique est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des traditions est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise chose est toute chose nouvelle dans la religion. Et toute chose nouvelle dans la religion est considérée comme innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est en enfer. Et qu'Allah nous en préserve. Ikhwati fillah, hadha huwa ad-darsu al-thalith min silsilati ihya al-qulub. Mes frères, c'est la troisième leçon de la série Comment faire vivre les cœurs. Ikhwani fillah, إنني أقف بين أيديكم اليوم لأتحدث عن موضوع تكاد الأرض تتزلزل تحت قدمي هاتين، وأسأل الله ألا يجعل هذه الكلمات علي، بل يجعلها حجة لي ولكم. إخواني في الله، إن هذه الكلمات التي ستلقى عليكم بمشيئة الله إنها كلمات من أعماق قلب جريح، من أعماق قلب مظلم يبحث عن نور يستضيء به. Mes frères, les paroles qui vont être citées par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des paroles qui sortent d'un cœur très profond, un cœur qui est atteint et un cœur qui est assombri et qui cherche une lumière par laquelle se guidera. هي كلمات من أعماق قلب يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. قلب يبحث عن الأمل ويبحث عن الحقيقة عن الحياة الحقيقية. Qui sortent des profondeurs d'un cœur qui espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui craint le châtiment de son Seigneur, d'un cœur qui cherche l'espoir et qui cherche la vraie vie. فهو بين الأمل والأمل علم صاحب هذا القلب أن له سفرا طويلا وأن وراءه طالبا وأن إلى ربه المنتهى. Et ce cœur-là, il est entre l'espoir et la crainte et la douleur. Le propriétaire de ce cœur, il a su qu'il avait un voyage très loin et qu'il avait derrière lui une personne qui lui demandait et que sa destinée était vers son Seigneur. فلا يرتاح له بال فهو في هذا السفر وفي هذا الطريق والصراط المستقيم إلا أنه ينحاز تارة ويضل عن الطريق وتارة أخرى يرجع إلى الطريق إلى الصراط المستقيم بعون رب العالمين. Et cette personne-là se sent pas bien. Elle est dans ce voyage-là et dans ce chemin-là qui est très loin. Sauf que des fois, il s'égare et il se trompe de chemin. Et des fois, il retrouve son chemin par le bienfait de son Seigneur. يتزود بما استطاع ليصل إلى مراده وينال رحمة ربه. Il fait ce qu'il peut pour réunir le plus de provisions, pour atteindre son voyage et pour rencontrer son Seigneur et pour avoir la miséricorde de son Seigneur. ولكنه في محاسبة دائم مع نفسه يقول لها يا نفس كيف أنت إذا أتتك المنية لتطلبك وسعى الأب ليدفنك وجاء الملك ليقعدك وتكلم ليسألك وجاء الرب ليحاسبك فتعرف حينئذ مصيرك إما منعما أبدا في جنتك أو معذبا أبدا في سعيرك. Il est toujours en train de se juger en demandant à son âme et en lui disant: comment serais-tu quand la mort viendra te chercher et que ton père ira t'enterrer, et par l'ange dans ta tombe tu seras ajusté, et qu'il te parlera pour t'interroger, et pour le jugement tu seras regroupé, et par le feu tu seras effrayé, et que tes œuvres par la balance se feront peser, et que ton livre te sera donné, et viendra ton Seigneur pour te questionner, et qu'ainsi tu seras ta destinée, soit un paradis éternel te sera donné, où tu brûleras en enfer pour l'éternité, et qu'Allah nous en préserve. فبينما هو كذلك إذ سمع مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم وأسلموا له. Et pendant qu'il était en train de se questionner, il entendit l'appel de la foi qui lui dit: viens vers ton Seigneur et soumets-toi à lui. فهنا أيقن حقيقة أن ربه يخاطبه بل يخاطب الجن والإنس كلهم فقال عز من قائل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Et c'est là qu'elle sut réellement et eut la certitude que son Seigneur lui parlait et que son Seigneur s'adressait à toutes les créatures, aux djinns, aux ins et aux êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de ce verset que ce livre a été descendu et dedans il y avait un rappel pour vous. Ne réfléchissez-vous donc pas. أيها الناس ما للآذان أصبحت لا تسمع وما للعيون أصبحت لا تدمع وما للقلوب أصبحت لا تخشع وما للظهور أصبحت لا تخضع. Aux gens, qu'ont-ils les oreilles à ne plus rien entendre, et que les yeux ne pleurent plus, et que les cœurs ne s'humilient plus, et que les dos ne se rabaissent pas pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha an-nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô gens, il y a un rappel de votre Seigneur qui est venu et qui est une guérison pour ce qui est dans vos cœurs, pour ce qui est dans votre poitrine, bien sûr, c'est-à-dire vos cœurs, est une guidée et aussi une miséricorde pour vous et pour toutes les créations. Naam hadha al-khitab li jami'i an-nas lir-rijali wan-nisa wash-shabab min al-jinnati wan-nas. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tout le monde, à toute personne, aux grands et aux petits, à l'homme et à la femme, et aux djinns et aux êtres humains. هذه الموعظة التي ترقق ما في الصدور وتدمع العيون وتحيي الجسوم والقلوب إنه لذكرى لمن كان له قلب. Et ce rappel qui adoucit les poitrines, qui adoucit ce qui est dans les poitrines, et qui fait couler les larmes, et qui fait vivre les corps et les cœurs. إنه لذكرى. Et c'est un rappel pour celui qui a un cœur. إنها موعظة تشفي الجنان وتطهر الأركان من الأجرام وتهدي الخلائق إلى رحمة الرحيم الرحمن. C'est un rappel qui guérit les cœurs et qui purifie les membres des péchés et qui guide les créatures vers le Seigneur tout miséricordieux, très miséricordieux. إِنَّهُ الْقُرْآنُ يَا عِبَادَ اللَّهِ. C'est le Coran, le livre d'Allah, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. كِتَابًا قَيِّمًا أَنْزَلَهُ اللَّهُ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا الله سبحانه وتعالى dit à travers tous ces versets qu'il descendra de ce livre là ce qui est une guérison et une guidée, bien sûr. أيها الناس اطرحوا على أنفسكم هذه الأسئلة هل تحقق فينا هذا الشفاء هل رقت قلوبنا لقراءته أو لقراءة القرآن هل دمعت عيوننا لتلاوته وهل خشعت صدورنا لسماعه وهل خضعت وتذللت أركاننا لأوامره. Aux gens, posez-vous ces questions-là. Avez-vous ressenti la guérison par ce Coran? Vos cœurs se sont-ils adoucis à son entente? Et vos yeux ont-ils pleuré quand vous l'avez entendu? Et est-ce que vos poitrines aussi se sont humiliées? Et est-ce que vos membres se sont rabaissés et ont suivi les ordres de ce Coran? هذه الأسئلة يا معشر الولدان والنسوان ويا معشر الشباب والشيوخ إن لم يكن الجواب معدا فلنلبس أكفاننا ولندخل قبورنا ولنبكي على أنفسنا ولننتظر آجالنا. Ces questions, mes frères, si on n'a pas la réponse et si on n'a pas préparé la réponse, qu'on pleure sur nous-mêmes et qu'on prépare nos tombes et qu'on aille dormir dedans jusqu'à que le temps nous arrive. إن لم تلن القلوب لله فلمن تلن القلوب إن لم تدمع العيون لله فلمن تدمع العيون. Si les cœurs ne s'humilient pas et si les cœurs ne s'adoucissent pas pour Allah, pour qui s'adouciront-ils? Si les yeux ne pleurent pas pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi et par quoi les yeux vont pleurer? أتعرفون لمن لانت القلوب اليوم ولمن دمعت العيون. Savez-vous aujourd'hui pour qui et pour qui les yeux ont pleuré et pour qui les cœurs se sont humiliés? إنها أقولها مع كل أسف إن القلوب اليوم لانت للتلفاز وخشعت لها تراها أكثر خشوعا أمام التلفاز من صلواتهم أمام ربهم. Je le dis avec le plus grand regret que les cœurs et la plupart se sont humiliés face à la télévision et ont donné leur crainte et ont donné toute leur humiliation devant la télévision. Dans un temps qu'ils sont dans la prière, ils n'ont aucune crainte et ils n'ont aucune concentration devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَدَمَعَتِ الْعُيُونُ عِيَاذًا بِاللَّهِ لانهزام فريق كرة القدم فإنا لله وإنا إليه راجعون. Et les yeux ont pleuré pourquoi aujourd'hui? On pleurait par la défaite d'une équipe de football. ونحزن على ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. يحزنون على انهزام فرقهم ولكن في الوقت الذي يموت فيه آلاف المسلمين ولا تحرك فينا ساكنة. Les yeux pleurent, les gens s'attristent parce qu'une équipe de foot a perdu. Alors que dans ce temps-là, il y a des milliers de musulmans qui sont en train de mourir, mais aucun effet leur font. فهذه وتذللت الرؤوس أيضا والأسماع للأغنية في وقت قحط العين عند سماع القرآن. Et que les oreilles sont parties écouter et se sont humiliées devant la musique, alors que dans un temps ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça ne leur fait rien du tout. إنها والله لقسوة القلوب. Et par Allah, c'est ceci, l'endurcissement des cœurs. إنها الغفلة يا مسلمون. C'est la négligence sur les musulmans. إنها الهجرة. هاجرنا كلام ربنا وهاجرنا هذا الكتاب. On a émigré la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a émigré ce livre. لو أنزلنا قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومن كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens de ces versets, il dit que s'il a fait descendre ce livre sur les montagnes, ces montagnes-là, elles seront pleines de crainte, elles craindront Allah subhanahu wa ta'ala. أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ لَوْ أُنْزِلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى الْجِبَالِ لَنْهَدَّكْ وَلَوْ نُزِلَتْ آيَاتُهُ عَلَى الرَّوَاسِ لَنْهَدَّتْ. Ne réfléchissez-vous donc pas, ce livre, s'il descend sur les montagnes, elles vont s'éparpiller, elles vont devenir en miettes. ولكن كيف حالنا؟ Et comment nous on est face à ces choses-là? Comment nous on est face à ce Coran-là? إن هذا القرآن لو أنزله الله سبحانه وتعالى على الجبال لصار به رمادا واعلموا أنكم لستم أشد خلقا من السماء ولا من الأرض ولا من الجبال. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait fait descendre ces versets et ce Coran sur des montagnes, elles seront devenues poussières. Et sachez que nous, qu'on n'est pas plus puissant que les montagnes, ni les cieux et ni la terre. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de ces versets qu'il a proposé cette recommandation qui est l'islam et qui est tout ce qui se trouve dans le Coran, comme le bien et s'interdire le mal. Il l'a proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de la prendre car ils ont eu peur. Mais c'est l'être humain qui est venu et qui l'a pris car il est très injuste envers lui et il est très très ignorant. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى dit dans le sens de ces versets que celui qui se détourne de mes versets, il mènera et il vivra une vie plein de gêne, et le jour du jugement, il sera ressuscité aveugle, et il dira, bien sûr, aveugle du cœur et aveugle même des yeux, et il dira, ô Allah, ô mon Seigneur, pourquoi j'ai été ressuscité aveugle alors que je voyais bien? Et Allah subhanahu wa ta'ala répondra, car nos signes et nos preuves évidentes te sont parvenues, mais tu les as oubliées, et aujourd'hui tu seras oublié. Atadruna mal hayatud dank, savez-vous quelle est la vie pleine de gêne? Écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الحياة الدنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 99 تنينا أتدرون ما التنين 70 حية لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة أجارنا الله من ذلك. Et savez-vous quelle est cette vie-là pleine de gêne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses compagnons et leur a posé la question dans le hadith qui a été cité authentique. Il leur a posé la question, savez-vous quelle est la vie pleine de gêne? Ils ont dit, Allah et son prophète sont les plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, que c'est le châtiment du mécréant dans sa tombe, qu'on lui infligera les tinnines. Et leur demanda, savez-vous qu'est-ce que c'est tinnines? Il dit que ce sont 99 serpents qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer à cette personne-là dans sa tombe, et que chaque serpent aura 7 têtes, et qu'ils le morderont et qu'ils le déchireront jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qala ta'ala wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous le ferons ressusciter le jour du jugement aveugle. Faqala mujahid wa sudi umiya alayhi kull shay illa jahannam a'adhana Allah min dhalik. Et quand il dit qu'il sera aveugle de toutes choses, Mujahid et Soudi disent que toute chose lui sera aveugle, il ne verra rien, il verra que l'enfer, et qu'Allah nous en préserve. Wa kama qala jalla wa ala wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Comme c'est cité dans un autre verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va les ressusciter le jour du jugement. Sur leur visage, ils traîneront, ils seront sourds, ils seront muets et ils seront aveugles. فَلْنَسْأَلْ أَنفُسَنَا صِغَارًا وَكِبَارًا نِسَاءً وَرِجَالًا كَيْفَ حَالُنَا مَعَ الْقُرْآنِ. Qu'on se pose tous la question, petit ou grand, homme ou femme, comment est notre situation avec le Coran? Comment on est avec le Coran? فَعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ إِمَّا حُجَّةٌ لَنَا وَإِمَّا عَلَيْنَا. Sachez que le Coran est soit une preuve pour nous ou contre nous. اسمعوا لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو موجود في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع ماحل مصدق فمن جعله إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار أجار الله من ذلك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que le Coran, le jour du jugement, est un intercesseur. Il intercédera et il se fera exaucer. S'il intercède en faveur d'une personne, eh bien on l'intercédera pour cette personne-là. Et s'il vient pour combattre et pour devenir l'avocat d'une personne, on acceptera sa parole. Et celui qui prend le Coran et qui le met devant lui et qui l'obéit et qui fasse les ordres que le Coran lui a ordonné, et bien le Coran le mènera jusqu'au paradis. Mais celui qui prend le Coran, qui le jette derrière lui, il s'en moque des adorations, il s'en moque des obligations et il s'en moque des interdictions. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Et bien le Coran, il viendra le jour du jugement et le prendra, le jettera en enfer. Et qu'Allah nous en préserve. فَكَيْفَ يُخَاطِبُنَا رَبُّنَا وَلَا يَحْيَا قُلُوبُنَا مَا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَمِعَتْهُ الْجِنُّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à travers son Coran et que nos cœurs ne vivent pas, alors que les djinns qui ont été créés de feu, ils ont entendu ce Coran, ils ont dit, nous avons entendu un Coran et nous y avons cru, et qui nous guide vers la guidée, et on y a cru, et on a obéi, dans le sens des versets. وَهَذِي حَالَةُ الْجِنِّ فَمَا بَالُ النَّاسِ لَهُمْ صُدُورًا لَا عُقُولًا وَلَهُمْ رُؤُوسًا لَا عُقُولًا فَمَا بَالُ النَّاسِ لَهُمْ صُدُورًا لَا قُلُوبًا وَلَهُمْ رُؤُوسًا لَا عُقُولًا. Ça c'est les djinns. Et qu'en est-il des gens? Ils ont des poitrines mais sans cœur, ils ont des têtes mais sans cervelle. أننتظر قرآنا أو نريد قرآنا غير قرآن هذا هذا غير هذا القرآن أم تريدون رسولا غير رسولكم أم نبيا غير نبيكم. Voulez-vous un autre Coran en dehors de ce Coran là? Voulez-vous un prophète en dehors de ce prophète là? Voulez-vous un messager en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? فما لنا نسمع ولا نعقل. Pourquoi on entend et on ne réfléchit pas? Les versets coraniques qui se répètent tous les jours, nuit et jour. فمن الناس من يسمع القرآن والمواعظ في المساجد وإذا خرج انقلب شيطان الرجيم. Il y a des gens, ils entendent le rappel, leur cœur s'adoucit dans la mosquée, mais une fois qu'ils sortent dehors, ils deviennent des chétans lapidés. لا يبالي بأوامر الله. Ils s'en moquent des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا ينتهي لزواجه. Et il n'abandonne pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'abandonner. فَيَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَيَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ أَفِيقُوا مِنْ غَفْلَتِكُمْ. Oh les gens, à tout homme et à toute femme et à tout jeune, Réveillez-vous de votre négligence. Ya ma'ashara shuyukh, irji'u ila kitabi rabbikum. À toute personne âgée, retournez vers le livre de votre Seigneur. Ya ma'ashara al-akhawati wal-ummahat, istayqidhu min nawmikum. Et mes sœurs, revenez et réveillez-vous de votre sommeil. Ya ayyuha an-nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Aux gens, il y a un rappel de votre Seigneur qui vous est venu, qui est ce Coran-là, et qui est une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Wallahi al-azim, innakum satamutun wa satus'alun wa satuhsharun wa satqifuna amama rabbikum liyuhasibakum. Par Allah, vous allez tous mourir et on va tous mourir. On sera tous questionnés, on sera tous posés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous cet endroit-là, imaginez-vous ce moment-là. Takhayyalu hadha al-mashhad. أنت واقف بين يدي الله ويأتيك الرسول ويأتيك البشير النذير ويقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجروا قراءته هجروا عمله هجروا سماعه كلهم يدخلون في ذلك كنتي Pense, imagine-toi quand tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala et que ce prophète qui est venu et qui t'a annoncé les choses et qui t'a averti du châtiment viendra et dira « Oh Allah, mon peuple a émigré ce Coran. Ils ont émigré l'apprentissage du Coran, la lecture du Coran. Ils ne pratiquent plus le Coran. Comment nous on est dans le Coran? Comment on réagit face au Coran? Kayfa haluna ma'al Coran? Wallahi inna al-Quran hujjatun laka wa alayk. » Sachez que le Coran est soit une preuve pour nous et soit une preuve contre nous. Linanzura ahwalana wa linarji'a ila kitabi rabbina. Qu'on se regarde et qu'on retourne vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Linabudahu haqqa al-ibadah wa linamuta muslimina haqiqatan. Qu'on l'adore comme on doit l'adorer réellement et qu'on meurt vraiment en étant des musulmans. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يحيي قلوبنا بكتابه اللهم أحي قلوبنا بالقرآن اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقاه اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقاه اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقاه ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويخزاه ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويخزى يا رب العالمين اللهم اجعلنا من العالمين لكتابك يا رب العالمين اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا أحينا وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين